Donc, maintenant, nous avons les formes du passé de presque tous les verbes. Je dis bien « presque » parce que ce n'est pas le cas de tous les verbes. Enfin, pas tout à fait. Il y a le club des verbes « gogo » qui se comportent d'une manière différente. Ces verbes « gogo » au présent qui deviennent « gaga » à l'impératif « h, i, z, o ». Et « il ne l'a pas fait », toujours sans plongeoir. No lo hizo. No lo hizo. Et pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas fait? Vous posez la question à usted, hein, sans plongeoir. ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué no lo hizo? Hein? ¿Por qué no lo hizo? Hein? Et je ne l'ai pas fait, sans plongeoir. No lo hice. No lo hice. Et vous allez voir que tous les verbes gogo suivent le même schéma avec « et « o », mais sans que cette terminaison soit accentuée. Donc, « hice » et « hizo ». D'accord? Alors, il a fait une réservation. Au passé sans plongeoir, se dira « hizo una reserva ».« Hizo una reserva ». D'accord.